Roberto, mi llame. Yo le conmigo se cena. Y veo yo le pedí mi soya. A la hachi, Isa, o Colopi, se bata. Le pedí mi sala, Isa, o Colopi. Otra vez son le conmigo. Et toi, c'est toi, moi, y'a. Oh, ben, non, c'est toi, moi, là, qu'on y aille. Oh, ben, non, c'est toi, moi, y'a. C'est toi, moi, pour toi. Je me laisse pour nos pipos. Oh, ben, non, c'est toi, moi, ça. On a y'a, malé. On a y'a, malé. Oh, y'a, non, y'a, malé. Yo, let's go, let's go, let's go. et loi des sœurs qu'on a faux, on m'aurait noir et pémoua. Amen. Et amen. Et même le but est. Amen. On a y est venu. Amen. On a y est venu. Amen. Et qu'on a pu le ramer. Amen. À la haine de la mer. Amen. À la haine de la mer. Amen. Y'a rien à faire dans le but est. Amen. À la haine de la mer. Amen. À la haine de la mer. Amen. À la haine de la mer. Amen. Y'a rien à faire dans le but est. Amen. À la haine de la mer. Amen. À la haine de la mer. Amen. À la haine de la mer. Amen. Ça pour nous bien. Amen. À la haine de la mer. Yeah. Yeah. no lo va ni de. Odi poso ni ya me gwe gwe. Odi poso ni ya me gwe gwe. Iya iya nu me ya gwe gwe. Iya nu me. Solo. Yo, Ama Hey, Thank you.